Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce journal en langue française. Et tout d'abord les titres. Célébration de la fête d'Eid el-Fitr ce vendredi par tous les musulmans du monde entier. Au Burundi, cette fête est célébrée au moment où la population vit dans la pauvreté suite à la hausse des prix des denrées alimentaires. Le représentant légal adjoint de la Comibou, vous l'entendrez. Le Burundi devrait se ressourcer sur l'expérience des autres pays développés pour marquer un pas en avant. Analyse de l'économiste burundais Faustin Ndikumana. Et 10 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 francs burundais et la sanction infligée au titulaire du centre de santé de Kirundo du nom de Jocelyne Ingabire. Voilà pour les titres. Ndikumana sur la mise en onde. Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. La fête d'Eid el-Fitr arrive au moment où la population burundaise vit dans la misère suite à la hausse des prix des denrées alimentaires. Cela a été dit ce vendredi par le représentant légal adjoint de la Comibou, où même les musulmans du monde entier ont clôturé le mois de Ramadan. Othmani Protein Ndagijimana exhorte les musulmans burundais de continuer à afficher le bon comportement dans la société, comme c'était dans le mois de Ramadan. Suivez-le. Aujourd'hui, en date du 21 avril 2023, qui correspond au premier jour du mois de Shawwal, qui est bien sûr le 10e mois d'après le calendrier islamique, la représentation légale de la communauté islamique du Burundi souhaite tous les musulmans du monde entier en général et du Burundi en particulier la bonne fête de Eid el-Fitr. Que ce soit une occasion pour partager ce qu'on a, pour renforcer l'amitié et l'amour entre les musulmans et non musulmans. Et j'interpelle la population musulmane en particulier et la population burundaise en général de contribuer de telle manière que le Burundi soit un pays très admirable dans le cadre économique, sécuritaire. Oui, effectivement, ces jours-ci se manifeste la hausse des prix des denrées alimentaires. Mais je vous signale que ce n'est pas seulement au Burundi. Ça, c'est un problème généralisé. Même dans la région, on constate qu'il y a la hausse des prix des denrées alimentaires. Mais l'essentiel, ce n'est pas la hausse. Donc, c'est de trouver la solution pour s'en sortir. Notamment, j'interpelle la population burundaise et musulmane en particulier de contribuer dans la mise en œuvre des programmes de l'État qui consiste à améliorer le rendement pour que donc, le Burundi sorte de cette crise alimentaire ou bien économique. Le journal continue. Le Burundi devrait se ressourcer sur l'expérience des autres pays développés pour marquer un pas en avant. Analyse de l'économiste Faustin Ndikumana qui participe dans un forum national sur le développement 2e édition qui se déroule au palais des congrès de Kigobe dès ce jeudi. Faustin Ndikumana se sert de l'exemple du Singapour pour rappeler les autorités burundaises à s'en servir. Le député national du passé mais évoque cependant le manque de cohésion sociale pour arriver à un développement durable. Suivez Faustin Ndikumana dans ses propos recueillis par Évariste Nzikobanyang. Je me sers de l'exemple du Singapour qui est souvent cité. Si on compare avec notre pays, ça peut nous aider à réfléchir. Le Burundi a une superficie de 27 834 km². Au moment où le Singapour n'a que 716 km², équivalent à 3 communes de notre pays. La population burundaise est de 12 millions, tandis que celle du Singapour est de 6 millions sur ce petit territoire où personne n'a faim. Ici, chez nous, le produit intérieur brut par habitant est de $300, tandis qu'au Singapour, ce PIB est de $40 000. Au Burundi, la production est chiffrée à 5 ou 6 milliards. Au Singapour, l'on arrive à un seuil de 220 milliards. C'est-à-dire que la production dans ce pays est plus de 30 fois par rapport au Burundi. Nous avons été colonisés par les Allemands et les Belges depuis 1896, tandis que le Singapour a été colonisé depuis 1824. Nous avons eu l'indépendance en 1962, tandis que ce pays est indépendant depuis 1963. Mais comme performance, le Singapour a le premier port du monde, l'aéroport qui accueille beaucoup de passagers au monde. L'économie de Singapour est classée 4e au monde. Dans ce pays, on y trouve de belles routes et des immeubles gigantesques. En ce qui est densité, ici chez nous, nous avons 400, 500 ou 600 personnes sur 1 km carré. Mais au Singapour, ils sont à plus de 7000 par km carré. Ils mènent une vie belle. L'on peut se demander comment ils ont fait pour arriver à cette étape. Ils ont commencé par la cohésion sociale nationale. Les Singapouriens sont composés de 3 ethnies. Plus de 67% proviennent de la Chine, 15% proviennent de la Malaisie, 17% proviennent de l'Inde et 1% provient de l'Europe. Mais ils ont su construire leur pays et cohabiter pacifiquement. On doit se servir de cette expérience. Eux ont 3 langues, mais nous, nous n'avons qu'une seule langue et une seule culture. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Isanganiro, les enfants qui jouent au football depuis l'enfance dans les académies de football peuvent afficher des meilleures performances dans l'avenir. Cela a été dit ce jeudi par le Burundi vu au Canada, au moment où il distribuait les équipements sportifs aux enfants membres de l'académie Rubirizi, se trouvant en commune Mutimbuzi. Alain Bagirakadzi appelle aux autres Burundais vivant à l'étranger d'avoir l'esprit de promouvoir le football en appuyant les jeunes footballeurs burundais. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Gendakouman. En fait, c'est une idée de mon beau-fils Ben et son ami Morad. Ils sont au Canada et ils ont pensé que comme ils ont des chaussures qui sont en bon état et qui peuvent encore servir pour des jeunes quelque part, je leur ai demandé de les fournir pour que je puisse les acheminer. Alors Ben est là aujourd'hui, il a vu où est-ce que les chaussures vont et il va être notre interprète auprès de Morad et Imad, ses deux frères, Imad et Morad, pour qu'ils puissent à l'avenir même impliquer d'autres amis qui jouent au... On appelle ça le soccer chez nous, pour qu'ils puissent aider beaucoup plus de jeunes. Et lorsque les enfants jouent le football, depuis leur enfance, quelle est la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est que d'abord, ils sont formés à partir d'un jeune âge. C'est mieux et ils sont plus faciles à former que quand ils sont plus vieux. Donc, ils acquièrent certaines techniques et ça tient des connaissances et qui leur serviront à l'avenir. C'est comme la fondation. Et quelle est la contribution pour la promotion des performances aussi de l'équipe nationale? C'est, en fait, on prépare la pépinière, on prépare l'avenir. Alors, si on a de l'avenir, si on a l'équipe junior, ça veut dire qu'on a une plus grande base où on peut aller puiser des joueurs et avec beaucoup de talent et avec beaucoup de chances de trouver beaucoup de talent sur une plus grande, à partir d'une plus grande base. Et quel appel pouvez-vous lancer aux autres Burundais qui vivent à la diaspora pour qu'ils puissent contribuer à aider ces jeunes enfants qui pratiquent le football? Je lance un appel aux compatriotes burundais qui vivent à l'étranger de aussi venir contribuer au développement du football au Burundi. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de besoins et je pense qu'il n'y a pas besoin de donner beaucoup. Des petits gestes par-ci, par-là peuvent contribuer à l'amélioration du niveau de football au Burundi. Qu'à la Fédération Burundaise de football FFB, qu'est-ce que cette fédération peut faire pour aider ces jeunes enfants qui jouent au football? C'est de mettre à leur disposition des terrains de jeu. Je sais que ce n'est pas facile de trouver des terrains de jeu dans certains quartiers. Aussi organiser des championnats parce que la compétition, ça favorise le niveau de football. Donc. Terminons ce journal par la page justice. C'est une peine d'emprisonnement de 10 ans et une amende de 300 000 francs burundais. Telle est la sanction que les juges des tribunaux de grande instance de Kirundo ont infligée au titulaire du centre de santé de Kirundo, Dino Dingabire Jocelyne. Cette dernière a été condamnée du détournement de 12 cartons et une pièce de farine de bouillie destinée aux malnutris. Le commerçant qui les a achetés a été également sanctionné de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement, une amende de 750 000 francs burundais et son véhicule a été saisi et mis à la disposition de l'État. Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour la collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Au revoir.